Bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Fréquence Vie, à l'émission Exhortation. Je suis le pasteur Georgette Kofi, fondatrice et visionnaire des églises Pega, dont le siège se trouve à Londres. Et nous avons une branche ici, en Côte d'Ivoire. Et je suis là avec vous sur Fréquence Vie, et nous allons ensemble parler de la valeur d'une femme exceptionnelle. J'aimerais rapidement que nous allons dans le livre d'Exode, au chapitre 4. Exode 4, juste le verset 24 nous dit que pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et toucha les pieds de Moïse, et nous connaissons la suite, nous connaissons l'histoire. Je veux parler de Séphora ce matin. Et lorsqu'on parle de Séphora, on dit en anglais Zipporah. Et Séphora, c'est une femme exceptionnelle. Et je veux encourager une femme qui m'écoute certainement aujourd'hui. Tu es peut-être cette Séphora-là. Séphora, c'est cette femme en position auprès d'un leader. I mean, c'est une position stratégique. Tu n'es pas n'importe qui. C'est une femme chef, qui est à côté du chef du village, par exemple. C'est l'épouse d'un roi. C'est l'épouse d'un pasteur. C'est l'épouse d'un chef d'entreprise, ma foi. C'est l'épouse d'un diplomate. C'est l'épouse d'un missionnaire. C'est l'épouse d'un homme qui a beaucoup de responsabilités. Et vous voyez, Séphora a secouru son mari Moïse de son Dieu. Et elle a posé l'acte. Séphora, c'est une école de pensée. Séphora, c'est l'intercesseuse. Séphora, c'est cette femme alerte. Vous voyez, cette femme éveillée qui sait compenser les failles de celui auprès de qui elle est. Et ça peut être dans le cas limité, dans le cadre du foyer, tout comme ça peut être dans un sens élargi. Ce matin, je vais encourager une femme. Es-tu cette Séphora-là? Joue ton rôle, ma sœur. Et je dis bien, ça va au-delà du foyer. Si tu es une femme épouse, que tu es Séphora, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'encourage, qu'il te donne les moyens pour continuer à jouer ce rôle. Si c'est une femme au-delà du foyer, chef d'entreprise, tu es ton patron, you know, franchement, une femme positionnée auprès d'un leader, sache que tu es stratégique. C'est toute une école. C'est toute une école de pensée. Ça peut être un homme qui m'écoute. Tu peux prendre l'exemple sur Séphora. C'est cette personne qui est une personne d'intercession. Cette personne à l'aide, qui pose les armes pour sauver les autres. Séphora. Donc, je vais vraiment exhorter une femme. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Rentre dans la mentalité de Séphora. Joue le rôle. Regarde, Moïse pouvait tout faire, mais là, Moïse ne pouvait pas s'aider. Et Séphora, c'est ce genre de personne qui sauve les sauveurs. Et avec Séphora, nous apprenons beaucoup de leçons. Allez-y dans Exode 4 et plongez là-dedans. Prenez le temps et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Femme, lève les yeux. Femme, lève-toi, tu es capable. Femme, peu importe si tes pieds sont affaiblis, cette parole te donne la vie. Cette parole te booste. Cette parole t'élève. Cette parole t'encourage. Ce n'est pas des paroles en l'air que je te donne. Je suis une femme, donc je sais de quoi je parle. Tu es Séphora auprès d'un leader, auprès d'un chef d'entreprise, d'un CEO, you know, quelqu'un qui a une position stratégique. Tu joues un rôle formidable. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as écouté. C'est encore le pasteur Georgette Kofi, votre humble sœur et servante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.